FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, la sitcom canadienne Corner Gas renaît au cinéma grâce au financement du public. Si je pars un Kickstarter pour amener Ramdan, y'a-tu quelqu'un qui embarque? Dans Segment Geek CNX, le selfie, le hashtag et le troll pour le rentrer dans le petit Robert. Si le grand Barack Obama et le petit Robert sont au courant, je pense que c'est mon cue pour débarquer. Et dans Merci Science, un iPad primitif retrouvé dans une épave médiévale. Au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, ça commence tout de suite. Et voici celui qui veut savoir s'ils avaient des problèmes avec Windows à l'époque médiévale. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue à Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, émission, comme toujours, le segment Geek CNX, le survol du net dans What Web, c'est un fait Tech Edition, la chronique de science et technologie Merci Science. Dans quelques minutes, on va débuter avec Television, c'est la chronique télévisuelle, c'est ce qu'on fait toujours en début d'émission. Mais avant de commencer avec la tradition, il faut continuer l'autre tradition musicale de l'émission, c'est-à-dire d'écouter un petit peu de musique chiptune, inspirée donc par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. On va se faire un petit bloc de deux pièces d'un seul et même artiste. Donc on va écouter Motion Ride, plus tard ce sera la chanson 023. Mais on va débuter avec Thanks for the Memories. Vous allez remarquer peut-être d'où ça vient, cette chanson-là, si vous connaissez le titre probablement. Motion Ride, tout de suite, on va essayer de prendre chaud. C'est un cover. Hein? Ouais. Chiptune. Motion Ride et 023 au Mathieu Plante Show. Avant, c'était Thanks for the Memories, une chanson en version chiptune, évidemment, de Fall Out Boy. Et leur chanson classique, skate punk, melodic punk, genre silicone. L'autre allait très bien avec, donc c'est pour ça que j'ai joué ensemble. Tantôt, on écoutera d'autres covers. D'autres covers, mais un petit peu moins, moins punk que ça. Mais avant ça, c'est Television Television. C'est Television Television, la chronique télévisuelle du Mathieu Plante Show, bien sûr. On y va toujours dans l'ordre, en commençant avec ce qui est le plus près de nous et la seule chose vraiment très proche de nous au Québec. Vous en avez entendu parler. D'habitude, j'essaie de pas parler des choses dont tout le monde parle, mais bon, je pense que j'ai pas vraiment le choix ici. Avec Claude Meunier qui va animer le Timé Show, son talk show de fin de soirée, j'imagine. Je sais pas ça va être quand, j'imagine en soirée. Donc, les admirateurs de La Petite Vie retrouveront leur cher Timé Paris à compter de 2015. Le personnage de Claude Meunier sera en effet à la barre d'une nouvelle émission de variété intitulé Le Timé Show. Ce rendez-vous hebdomadaire diffusé à ICI Radio-Canada Télé réunira des personnalités de différents horizons pour 60 minutes de télévision, lors desquelles s'entrecouperont entrevues, sketchs, performances musicales et topos décrits comme « surprenants », entre guillemets. Par communiqué, le nouvel animateur s'est réjoui de cette vitrine qui lui permettra, espère-t-il, de recevoir les invités de marque. Il y fait des blagues, là, écoutez bien. Des invités de marque allant de Philippe Pouillard à Régis Labombe en passant par Pika Subban, Pika Pelado et autres Pika. Hilarant. Il affirme par ailleurs qu'il se voit très bien et je cite discuter bémol ou fa dièse en compagnie de Céline Dion ou Lise Dion ou parler bricolage avec Arcade Fire. Donc on s'imagine que si Arcade Fire est rendu à être le sujet d'une blague poche de Timé, c'est que c'est rendu extrêmement mainstream. Le Timé Show sera produit par Luc Wiseman d'Avanti Ciné Vidéo. Dominique Sillon du duo Dominique et Martin signera les textes. Ça va voler très très haut ça. En compagnie de Nelson Harvey et de Michel Sigouin, 13 émissions sont prévues pour une diffusion l'an prochain en 2015. On dit janvier 2015 en ce moment. Je sais pas, j'imagine que Radio-Canada s'est dit, bon, son personnage dans La Petite Vie est super populaire. La Petite Vie, même si c'est la 175e rediffusion, on est quand même capable d'avoir des codes d'écoute. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'ils ont justifié la chose. Moi, par contre, je suis pas sûr. Hein? Le Navet, le site de fausses nouvelles, avait bien raison en disant que personne n'avait demandé ça. Donc, absolument personne qui voulait de ça. Mais quand même, je sais pas. On va voir en janvier 2015. Peut-être que ça durera pas. Peut-être que oui. On sait pas. Il n'y a aucune façon de savoir ça avant que ça commence. Mais on sait, par contre, qu'ils n'ont pas annoncé le retour de Série Noire ou d'autres choses plus importantes que ça. Donc, si c'est vraiment tout ce qu'on a à se mettre sous la dent en 2015, de bon. Je sais pas. On verra. Ensuite, Radio-Canada, toujours au sujet de Radio-Canada, les dirigeants prévoient une nouvelle ronde de compression qui inclut la diffusion de la station Radio 2 en ligne seulement et la fusion de certaines émissions françaises et anglaises selon un organisme de surveillance. Le groupe Les Amis de la Radio-Diffusion canadienne affirme que les dirigeants vont proposer une série de compressions majeures lors de la rencontre du conseil d'administration prévue à Ottawa les 17 et 18 juin. Le groupe dit avoir été mis au parfum de ces propositions grâce à des sources haut placées à Radio-Canada. Donc, on blâme le premier ministre Stephen Harper, évidemment, et son antipathie envers le diffuseur public. Selon Les Amis, les compressions incluent le projet de cesser la diffusion sur les ondes FM de la station anglophone Radio 2, qui propose principalement de la musique classique, jazz et adulte contemporain. C'est l'équivalent d'Espace Musique avant qu'il change de format. Peut-être même encore un petit peu aujourd'hui. En faveur d'une distribution exclusivement en ligne. La Société d'État prévoirait par ailleurs de réduire de façon importante la diffusion d'émissions de télévision pour enfants non commerciales en matinée à la chaîne télé. Les compressions toucheront davantage la programmation régionale avec l'annulation, par exemple, d'émissions de radio enregistrées en après-midi à des endroits comme Thunder Bay. La ville ontarienne recevrait plutôt la programmation de Sudbury située à quelques 1000 km plus loin. Les coupes cibleraient également les services en français, notamment en fusionnant certaines émissions de langue anglaise et française ensemble. Par exemple, les émissions musicales pourraient être combinées et offrir du contenu 80% en anglais, 20% français. Étrange, il y a encore des stations de nos jours qui font ça, stations universitaires entre autres, qui font de la programmation en anglais et en français, mais jamais dans la même émission. C'est ce qui est un petit peu bizarre. Les services régionaux à Québec pourraient aussi être réduits en faveur d'une centralisation de la production à Montréal, comme tous les réseaux de radio le font. Le diffuseur public a vu son budget réduit ce printemps et a annoncé en avril qu'il supprimerait 657 emplois. C'est très, très dur, une très mauvaise nouvelle tout ça. Je crois pas que de fusionner des langues, soit si bonne idée que ça. Mais bon, encore une fois, c'est inévitable. Et comme Sun News, la chaîne de droite se plaît à le dire, ils sont pas immunisés contre ces affaires-là. Puis c'est à eux autres de payer, puis ça sert à rien, puis personne ne les regarde. Alors que moi, je suis plutôt de l'avis que c'est pas parce que quelqu'un ne le regarde pas, il faut pas que tu le payes. C'est comme si tu vas pas à l'hôpital, t'sais, mettons, t'sais, ou tu vas pas aller, t'sais, à l'école. Mais faut que tu payes pour l'école, pareil, de tes enfants. Et des enfants de tout le monde, la communauté. Parlons des horaires d'automne. On a parlé des stations américaines, des réseaux américains la semaine passée. Revenons au Québec un petit peu. AV, qui a levé le voile sur la programmation d'automne 2014. Parmi les temps forts de la programmation, notons la nouvelle thématique, les vendredis font la loi. Ils copient un petit peu Canal D. Ça va proposer des émissions à caractère policier et judiciaire de 19h à 22h. Cette thématique s'ajoute aux thématiques à succès déjà existantes, telles le 5 à 7 en famille, qui en passant perd le Tic Tac Show. On avait parlé de ça la semaine passée. Donc ça va être un 5,5 à 7, parce qu'à 5h, ça va être des reprises des Simpsons. Fait, est-ce que ça compte vraiment? Ils ont 18% des parts de marché pendant le bloc 5 à 7 en famille. Et les lundis tellement drôles qu'il y avait les champions du web, une émission de clip YouTube vraiment poche avec une narration vraiment pas drôle et l'émission de Pierre Brassard qui a fait un flop total. Donc les lundis tellement drôles avec 1 447 000 téléspectateurs en moyenne à l'hiver. Le réseau entend également poursuivre sa stratégie de contre-programmation et annonce une offre variée de nouveautés et de grands retours. De plus, une grande place sera accordée au cinéma toutes les fins de semaine des 13h, mais c'est ce qui faisait déjà les jours de semaine. Il y avait des films par-dessus des films, des vieux téléfilms, genre sur Lifetime, genre des films tournés pour un budget ridicule avec des acteurs de série Z. Donc, ça va continuer de jouer. Donc, les fins de semaine vers 13h. La programmation d'automne débute le 8 septembre. Parlons des nouveautés. La nouveauté la plus attendue, c'est ce soir Tout est permis avec Éric Salvaille. Inspiré d'un concept français et adapté dans plus de 20 pays, l'émission propose aux artistes invités de relever des défis et présenter des numéros comiques qui impliquent l'improvisation, le mime, le lip-sync, la danse et même la contorsion. Un nouveau jeu va prendre la place, va prendre sa place cet automne, le mardi à 19h30. Trouve-moi ça, ça va être une fois par semaine. L'animateur, qui n'est pas encore dévoilé, va poser des questions à des passants qui ne pourront pas répondre par des mots, mais seulement par des objets qu'ils vont devoir trouver dans leur environnement. V va aussi proposer la version québécoise de Hello Goodbye le jeudi soir, une émission diffusée dans une quinzaine de pays où l'on capte sur le vif les histoires de retrouvailles et de grands départs qui se déroulent tous les jours à l'aéroport de Montréal. Un genre de Claire la marche aérienne. Les vendredis de 19h à 22h sont consacrés à la thématique Les vendredis font la loi. On l'avait dit, il y a une nouvelle série qui s'appelle SQ. Ça va être un nouveau concept québécois. Et là, le nouveau concept québécois, ça veut juste dire que ça n'a jamais été fait avec la SQ. T'sais? Parce qu'en tant que tel, Cops et Serve and Protect et d'autres émissions comme ça, Campus PD à MTV, genre, toutes les émissions de police. Là, donc, quand on dit concept québécois, nouveau concept québécois, on tire un petit peu le mot nouveau dans des définitions que je connaissais pas. Outre les retours déjà annoncés, tels que le talk show de fin de soirée en mode Salvaille, Allume-moi avec Philippe Bond ou encore L'Arbitre, le 5 à 7 en famille présenterait des nouveaux épisodes d'Atome Crochu, Garde Éclin et Super Presque Parfait. Les émissions Détestables, Taxi Payant et Apollo dans le frigo seront de retour aussi avec des nouveaux épisodes. La programmation en journée va être annoncée bientôt, ultérieurement, et celle de l'hiver 2015. Donc, un automne, tout ce qu'il y a de plus dans le courant du facile pour V cet automne. Eux qui sont de moins en moins rebelles, slash plus du tout. Richard Turcotte ne reviendra pas cet automne à la barre de Ça commence bien, la quotidienne matinale de V. Mais il n'est pas le seul à voir son nom disparaître du générique. Marie-Pierre Morin, qui était aux arts à la météo, le grand nom de V jusqu'à récemment. Et Patrick Langlois au web et aux réseaux sociaux va aussi quitter l'équipe. Par contre, Lisa-Marie Blais, ma belle Lisa-Marie Blais, que j'adore, et Andy Maillé-Pressoir au sport vont être de retour. Marie-Pierre Morin a aussi appris la fin de District V, son émission de showbiz, on avait déjà parlé de ça. Mais elle reste quand même dans la famille de V. On pense à elle pour animer une émission qui s'appelle Shopping Monsters, une télé-réalité quotidienne dans le style d'un super presque parfait, mais sur la mode. Donc, 5 candidates vont disposer d'un temps limité pour dénicher les plus belles fringues et vont s'opposer pour être la plus belle. Ça va être super officiel. Donc, c'est ça, ils vont donner des codes de 1 à 10, là, pareil comme dans ce presque parfait. En France, ça s'appelle les reines du shopping. Donc, quand c'est des Français qui appellent ça avec un nom semi en français, les reines du shopping, et qu'au Québec, on appelle ça Shopping Monsters, il y a un problème, je trouve. D'habitude, c'est la France le problème, je pense que là, c'est nous. Qui refuse de confirmer quoi que ce soit, pas plus que pour Ça commence bien, dans la formule sera remaniée de fond en comble pour l'automne. Encore une fois, le scénario le plus probable déménage l'équipe dans les studios de Musique Plus. On avait déjà abordé le sujet un petit peu. Donc, c'est une station qui a été acquise par Remstar et ses partenaires. Donc, dans les minuscules studios de Musique Plus, on enregistrerait ça commence bien. Alors que pourtant, il y avait un nouveau studio super beau, vraiment récent, tu sais, à la fine pointe. J'imagine que ça coûtait cher. Mais pour vrai, de se rétrograder, si on veut, au studio de Musique Plus qui sert déjà à, je dirais, toutes les émissions de Musique Plus qui sont pas des téléréalités de MTV traduites un petit peu à la va-vite. Donc, la machine à rumeurs ne s'arrête jamais et le nom de Jean-François Barry circule actuellement comme remplaçant de Richard Turcotte. C'est ce qui me surprend parce que, bon, on va retourner un petit peu dans le passé, dans le temps, dans Caféine. On se rappelle Caféine, c'était, il y avait entre autres Gilda Roy qui l'animait pendant un certain bout de temps et c'était très populaire. Après ça, ils ont sacré dehors Gilda Roy et son équipe. Quand V a été lancé en 2009, qui ont-ils appelé pour animer? Ben, Colin, Gilda Roy, parce que c'était un succès dans le temps, tu sais. C'est une erreur de notre part de l'enlever. Qu'est-ce qu'ils ont fait 2 ans plus tard, genre, 1 an et demi? Ils l'ont aussi, encore une fois, retiré des ondes. Et là, une autre période de Caféine dans l'histoire de TQS, c'était qui animait ça? C'est Jean-François Barry, le matin, tu sais. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Jean-François Barry. Ils sont tout le temps pris dans les mêmes patterns. On dirait que c'est tout le temps, genre, retournons à ce qui marchait dans le temps. Si ça marchait tant que ça dans le temps, il me semble que ça aurait resté en ondes, non? Je sais pas. Moi, je comprends vraiment pas l'intérêt de tout le temps ramener les mêmes gens. Surtout que Jean-François Barry anime déjà la Guerre des Clans. Faites-lui faire d'autres choses que de revenir encore au matin. Il venait de changer d'horaire. Il animait les matins à une radio commerciale quelconque. Il a dit que c'était son horaire était vraiment trop chargé de faire. Il se levait à 4h du matin pour enregistrer pour faire son émission à la radio. Puis là, la fin de semaine, il enregistrait la Guerre des Clans. Donc, on se demande si V va accommoder son horaire en tassant peut-être les enregistrements de la Guerre des Clans. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. De toute façon, l'émission du matin, V est rendue super courte. Hein? C'est de 7h à 9h. Avant, c'était de 6h à 9h. Donc, au moins, il n'aura pas à se lever à 4h du matin. Il va peut-être pouvoir se lever à 5h, 6h. Je sais pas, mais je trouve ça bizarre. Tant qu'à se rappeler encore Gilda Roy, je veux dire, on dirait qu'il va dire oui à chaque fois. non, je pense que c'est fini dans son cas. Je pense qu'ils se sont mis à dos un petit peu Gilda Roy. Et c'est vraiment dommage parce que c'était de loin le meilleur. Donc, aucune réponse du côté du diffuseur qui doit annoncer prochainement le contenu de sa programmation de jour. On va suivre le dossier. On dirait que cette semaine, je suis rendu dans le mode opinion sur chacun des articles. Je pense que je vais continuer comme ça parce que ça rend l'émission un petit peu plus intéressante que juste dire le texte des articles. Parlons du Comic-Con de Québec et de Montréal maintenant. À tous les amateurs de culture populaire de la capitale, Québec a maintenant son propre Comic-Con. Le Comic-Con de Québec mettra en vedette des artistes et des produits issus de tous les genres du divertissement, donc science-fiction, horreur, animé, jeux vidéo, bande dessinée, cosplay, cinéma et plus encore. Les organisateurs ont annoncé les premiers noms qui seront présents pour le Comic-Con de Québec. Il s'agit, pour commencer, de Lou Ferrigno, celui qu'on connaît pour le rôle de l'incroyable Hulk. Mm-hmm. Jeremy Bullock, un acteur britannique connu pour son interprétation du célèbre chasseur de primes Boba Fett dans la trilogie originale de Star Wars, La Guerre des Étoiles. Du côté BD, on a Dale Eaglesan, qui a collaboré à de nombreux titres de DC Comics, tel Green Lantern et Justice Society of America. Ses dernières créations étant destinées à l'univers Marvel, pour qui il a illustré les titres Steve Rogers, Super Soldier, The Fantastic Four, The Incredible Hulk et Alpha Flight. Pardon. La partie cosplay ne sera pas négligée non plus avec la présence de Annie Mia, qui est une cosplayer de renom qui a voyagé d'un bout à l'autre du pays pour participer à des congrès dans la peau de personnages d'animés. Comic-Con de Québec, les 25 et 26 octobre au Centre des congrès de Québec. Donc, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Parlons de Montréal, il y a des plus grands noms. Juste un petit peu, évidemment, Comic-Con, c'est nouveau. Donc à Montréal, c'est un petit peu plus avancé, un petit peu plus évolué. Les premiers invités de l'édition 2014 du Comic-Con de Montréal, qui aura lieu du 12 au 14 septembre au Palais des Congrès, ont été annoncés lors d'une conférence de presse. De gros noms des milieux de la science-fiction, du fantastique, de l'horreur, de la lutte. Et bien sûr, des bandes dessinées feront partie de cette nouvelle édition qui s'annonce encore plus grosse que les précédentes. Le fer de lance de l'édition 2014 est nul autre que l'actrice britannique Lena Headey, surtout connue pour son rôle de... désolé pour les noms, j'ai pas encore vu Game of Thrones, donc Cersei Lannister. De Game of Thrones. L'acteur Danny Glover figure également parmi les invités, celui de L'Arme Fatale, entre autres. Aussi la participation spéciale de Stephen Amell, qui incarne le personnage principal dans la série phare Arrow de la CW. Encore une fois, tous des noms que je connais pas vraiment parce que j'ai pas regardé d'entrevue, donc vous allez vraiment m'excuser. Je suis sûr que je vais faire rire de moi pour la prononciation de la plupart de ces noms-là. Le volet horreur du Comic-Con, l'Horror Fest, est de retour pour une troisième année consécutive. Elles sont prévues au programme des projections de films, des conférences et des invités propres au genre. L'invité d'honneur de ce volet est nul autre que le grand-père des zombies, George A. Romero, connu pour avoir défini l'archétype moderne des zombies dans la culture populaire et créé le sous-genre de l'apocalypse des zombies avec le classique Night of the Living Dead en 1968. Star Trek The Next Generation, qui raconte les aventures des membres de l'équipage du vaisseau Enterprise D, est considéré comme la série de science-fiction la plus populaire de tous les temps. Donc, une réunion spéciale des membres de la distribution de The Next Generation avec Jonathan Frakes, LeVar Burton, Michael Dorn, Marina Sirtis, Brent Spiner, Gates McFadden, Denise Crosby et John Delancey aura lieu dans le cadre du Comic-Con de Montréal. Les amateurs de lutte vont être heureux d'apprendre que leur passion a une place au Comic-Con de Montréal avec un nombre des invités, oui, des deux anciennes lutteuses professionnelles intronisées au temple de la renommée de la WWE, donc Trish Stratus et Lita. Voilà, donc pour le Comic-Con de Montréal, il y aura évidemment d'autres noms qui vont sûrement s'ajouter avec le temps, mais c'est vraiment une très, très, très bonne brochette d'artistes. Pour vrai, je suis impressionné par ça. Un film Corner Gas, est-ce que ça vous intéresse? Pas vraiment. C'est la série canadienne la plus populaire des années 2000, je pense. Et je me suis tapé la première saison il y a quelques étés et j'ai pas continué parce que j'ai pas trouvé ça très très bon. C'est très très mainstream comme comédie. Donc la campagne Kickstarter de Corner Gas The Movie est arrivée à 100% de son but initial en seulement une journée, selon Prairie Pants Distribution. La campagne de 30 jours pour faire la promotion de cet événement-là et ramasser l'argent pour des récompenses pour les fans, des expériences, des visites VIP, etc. Ils sont rendus à leur but d'origine à 9h26 du matin avec 723 fans partout dans le monde qui ont envoyé 100 000 $ pour faire partie de ce nouveau film-là. Donc, c'est venu de partout dans le monde. Des douzaines de pays ont contribué, donc le Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Europe, Australie. Des pays comme l'Europe. Non, je pense que... Et puis des endroits. En Inde, en Chine et au Kyrgyzstan qui ont participé. Donc pour 6 000 $, il y a une personne qui a promis cet argent-là. Pour 6 000 $, un bref rôle parlant dans le film. Pour 2 500 $, 10 personnes ont acheté l'opportunité de jouer un rôle d'arrière-plan, donc être un extra, un figurant. Pour 1 500 $, 6 personnes ont acheté une visite VIP du plateau et l'opportunité de rencontrer la distribution. Pour 750 $, 3 personnes ont acheté l'opportunité de fournir le prénom et le nom de famille d'un personnage du film. Pour 750 $, une personne a acheté un message personnalisé vocal venant directement du personnage principal, de l'acteur du personnage principal, Brent Butt. Ça va continuer jusqu'au 18 juin pour ramasser de l'argent. Le prochain but est de ramasser de l'argent additionnel pour améliorer les effets spéciaux de la production, pour amener aussi la distribution à des premières dans des cinémas Cinéplex partout au Canada, pour créer un documentaire derrière le rideau pour le DVD et maintenir un plateau de Corner Gas à Rouleau en Saskatchewan, qui est l'endroit où ça se passe, l'émission, comme attraction touristique pendant un an. Donc, s'ils atteignent ce but-là, il va y avoir pendant un an une place pour pouvoir visiter le plateau de Corner Gas. Donc, Corner Gas The Movie commence sa production en Saskatchewan le 23 juin 2014. Le film de 90 minutes va être livré aux Canadiens via un événement national sur plusieurs écrans. La première stratégie de ce genre-là. Donc, le film va ouvrir dans les cinémas Cinéplex exclusivement, suivi d'une première sur The Movie Network, l'équivalent de Super Écran au Canada anglais, CTV, l'équivalent de TVA, et The Comedy Network, l'équivalent d'une chaîne humoristique. il va aussi y avoir une version DVD pour collectionneurs disponible avant les fêtes. Donc, commence à filmer ça le 23 juin, comme je disais. Tant mieux pour eux, c'est pas mauvais, c'est vraiment pas une mauvaise émission, là. C'est même drôle par moment, là. Mais ça tourne un petit peu en rond, je trouve. Le créateur de l'émission Broadchurch veut garder le secret. Le créateur de la série britannique a supplié les habitants du village dans lequel il tourne de garder les événements secrets pour ne pas gâcher la seconde saison de la série. Série dans laquelle jouent David Tennant et Olivia Colman va bientôt avoir une deuxième saison. Le tournage devrait démarrer bientôt dans le Dorset, en Angleterre. Le créateur Chris Kubman a supplié les locaux qui pourraient assister au tournage des scènes clés de ne rien dire. Je cite « Nous allons tourner autour de West Bay et Clevedon dans le Dorset », a-t-il confié. « Nous sommes ravis de revenir, surtout après le soutien de toute cette communauté. Et si la communauté arrive à garder nos secrets comme nous l'avions fait la fois dernière, nous en serons encore très reconnaissants. » Fin de la citation. La version américaine de la série, intitulée Grace Point, sera bientôt diffusée. Il me semble que c'est sur Fox. Grace Point, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, c'est fox.com/gracepoint pour en savoir plus. C'est basé donc sur la série Broadchurch du Royaume-Uni. Voilà pour les nouvelles, allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine du 5 au 11 mai. On a toujours un petit délai sur les codes d'écoute, mais que voulez-vous, c'est comme ça, ça prend un petit peu de temps à sortir. Position 15 à 6, l'arbitre. Wow! L'arbitre dans le top 15. Eh ben, survie. Le banquier, film de gars, tranche de vie, faire l'humour, TVA Nouvelle 18h, juste pour rire, la petite séduction, le tricheur et lol. En 5e, la poule aux odeurs à TVA. En 4e, testé sur des humains à TVA. En 3e, dans l'œil du dragon à Radio-Canada. En 2e, gala des oliviers à Radio-Canada avec 1 074 000. Et en première place, le hockey canadien séries éliminatoires ronde 2 à RDS, 2 010 000 personnes. Au Canada anglais, position 15 à 6, The Mentalist 24, Live Another Day, la nouvelle série. Castle, Hawaii Five-O, Blue Bloods, The Blacklist, Grey's Anatomy, Survivor, Criminal Minds et NCIS Los Angeles. En 5e, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. En 4e, les finales de la NHL. En 3e, NCIS avec 2 280 000. 2e, CSI à CTV avec 2 292 000. Et en première place, Big Bang Theory sur CTV avec 3 378 000. Pour les talk shows maintenant, pour la semaine du 26 mai, au Late Show de David Letterman sur CBS. On va commencer demain avec Adam Sandler, l'acteur Thomas Hayden Church. Mercredi, James Franco, qui est pris dans une grosse controverse en ce moment parce qu'il a essayé de... On a eu la preuve avec des photos, finalement, qu'il a essayé de croiser une fille de 17 ans sur Instagram. Grosse rumeur et potin. Et c'est sûr qu'il va s'en faire jaser par David Letterman. Jeudi, John Cryer de Two and a Half Men, dont on parlait la semaine passée, qui va finir la saison prochaine. Elizabeth Olsen, je l'adore. Je tripe bien raide sur Elizabeth Olsen. C'est la sœur de Mary-Kate et Ashley. Et vendredi, Shailene Woodley de Secrets of the American Teenager. Au Tonight Show de Jimmy Fallon sur NBC, ce soir, lundi, Emma Stone. Mardi, Seth Rogen. Mercredi, Arnold Schwarzenegger. Carson Daly, un animateur de fin de soirée sur NBC qui anime juste après Jimmy Fallon et Seth Meyers. Jeudi, Billy Joel. Donc, encore, ça doit être c'est une reprise, c'est ça. Je m'excuse, j'ai oublié de voir qu'à la fin de tous les talk shows que je viens de mentionner, c'est toutes des rediffusions. Donc, du 2 mai, du 8 mai, c'est pas joué dans l'ordre. Là. Je vais vous le dire quand même, mais sachez que tout est en rediffusion jusqu'à temps que je dise le contraire. Donc, vendredi, Kevin Bacon. Jimmy Kimmel sur ABC, toujours en rediffusion. Lundi soir, Nathan Lane et Adam Carolla. Mardi, Emma Roberts, que j'adore aussi. Mercredi, Eric Stone Street de Modern Family avec Jesse Tyler Ferguson, qui joue son mari dans la même émission. Jeudi, Sandra Oh de Grey's Anatomy. Et vendredi, Adam Sandler. Le Late Late Show de Craig Ferguson n'est pas en reprise cette semaine. Lundi, Shailene Woodley, dont on a parlé tantôt. Mardi, Betty White. Mercredi, America Ferrera, qu'on connaît pour l'émission Cher Betty, Ugly Betty. Jeudi, Hugh Laurie, Dr. House, et vendredi, Jane Lynch de Glee. À Seth Meyers Late Night sur NBC, tous les soirs à minuit 35, c'est en rediffusion encore une fois. Donc, ce soir, lundi, Anthony Bourdain, l'animateur de CNN. Mardi, Matt Lauer, l'animateur du Today Show, en compagnie de Savannah Guthrie, qui va aussi être là mardi. Belle équipe quand même. Mercredi, Ellen Page, oui, bien sûr. Louis Black du Daily Show. Jeudi, Emma Roberts. J'ai beaucoup d'émissions à regarder cette semaine, je pense. Et vendredi, Maya Rudolph de Saturday Night Live. Voilà pour les shows majeurs, donc les grandes émissions de fin de soirée. Le reste de la liste sur assemblagerequis.com. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres émissions. Énormément, la liste ne finit plus. Il y a tellement de talk shows. On dirait qu'il y en a plus qu'avant dans cette liste-là. Je pense qu'ils listent les talk shows de jour aussi. Donc, Wendy Williams, Ellen DeGeneres et un paquet d'autres. Donc, allez voir assemblagerequis.com. Voilà pour Television. Dans quelques instants, c'est un fait Tech Edition. Mais avant ça, deux autres chansons de musique chiptune. Comme on les aime, on s'en va entendre plus tard. Super Prism, mais débutons avec Reese. Voici The Amazing Spider-Man Chiptune Remix. Oh oui! Vous allez adorer ça, j'en suis certain. Tout de suite, au MPS, le Mathieu Plante Show. Dans la zone 89.1. C'est fou. La pièce Luminescence par Super Prism, précédée de The Amazing Spider-Man Chiptune Remix avant la pause par Reese. Oui, une couverture, un cover d'une chanson de dessin animé par donc, Spider-Man. Mais pas par Spider-Man, je pense pas que c'est lui qui l'a joué à l'origine. Ce qui nous amène à parler de technologie en général dans cette Tech Edition. Qu'est-ce que je raconte? Tech Edition. Text Edition, édition texte. Je vous envoie ça par SMS. Des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. La honte à chaque semaine. On commence avec ce qui se passe, ce qui s'est passé en fait cette semaine dans l'histoire. Donc c'est du passé, donc il faut mettre le verbe au passé. Commençons par le 19 mai. En 2006, Apple ouvrait son magasin de 20 000 pieds carrés au 767 Fifth Avenue. C'est le deuxième magasin Apple à New York City, mais le premier qui était un cube de vitre. Ça l'a rendu célèbre, sûrement, selon plusieurs, le plus célèbre de Apple Store de Fifth Avenue. Le 20 mai en 1875, 17 nations, dont les États-Unis, signent la Convention du Mètre à Paris, en France. Ça établit le International Bureau of Weights and Measures, le Bureau international des poids et mesures. Donc, très, très geek, tout ça. Le 21 mai en 2013, Microsoft annonçait sa plus récente console de jeu, la Xbox One, à une conférence de presse à Redmond, à Washington. Je me rappelle, j'étais là. Pas à Washington, mais en train d'écouter une couverture de ça. 22 mai en 1973, Bob Metcalf du Xerox Palo Alto Research Center a écrit un mémo sur une machine à écrire électrique de IBM, donc disant comment il allait connecter des ordinateurs personnels à une imprimante partagée. Metcalf a dit plus tard, si l'Ethernet a été inventé dans un mémo et par une personne ou un jeu en particulier, c'était celui-là à ce moment-là. Donc, en 1980, Namco sortait un jeu d'arcade nommé Pac-Man. Quand il est sorti aux États-Unis en octobre de la même année, le nom a été changé pour Pac-Man. On se rappelle du fait divers qu'on entend souvent. C'est un des faits, je pense, les plus connus du monde. Que Pac-Man, les gens pouvaient facilement faire un F avec le P pour faire Fuckman. Donc, ils l'ont changé pour Pac-Man. Et en 1990, toujours le 22 mai, Microsoft sortait Windows 3.0 avec de grandes améliorations dans l'interface et surtout dans le multitâche. D'ailleurs, le panneau de configuration, le Control Panel, a été vu par Apple comme quelque chose de copié. Finalement, ils ont poursuivi et ils ont finalement perdu contre Microsoft. Le 23 mai 1995, Sun Microsystems annonçait le langage de programmation Java et le furteur web qui l'accompagnait, Hot Java, à la convention Sun World 95. Après ça, ben, je pense qu'ils ont fait une mise à jour par jour à tous les jours, selon mon Windows à moi qui n'arrête pas de me popper des maudites notifications de Java. Le 25 mai 1994, le CERN accueillait la première conférence World Wide Web Conference qui a continué jusqu'au 27 mai, donc c'était en 1994. Le CERN, évidemment, étant le... Ah ouais, Internet! Évidemment, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. C'est ça? Ça doit pas être ça. Je pense pas que ce soit ça. C'est ça? Centre Européen de Physique des Particules. En tout cas, c'est plein de choses, hein. Maintenant, parlons de jeux vidéo. Commençons par GoldenEye 007 sur Nintendo 64. Plusieurs des tableaux du jeu ont été créés sans vraiment d'objectif précis en tête. Donc, seulement après que les niveaux aient été créés, les designers retournaient en arrière et essayaient de décider qu'est-ce que le joueur allait faire, sa position de départ, les endroits où allaient se situer les ennemis, les placements d'objectifs. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des tableaux dans le jeu ont l'air d'avoir des pièces ou des chambres qui n'ont pas vraiment de raison d'être évidente. Selon Martin Hollis de chez Rare, qui est la compagnie qui a fabriqué le jeu, l'avantage de cette approche un petit peu sloppy, comme il dit, c'était que les tableaux dans le jeu avaient une impression de non-linéarité, si on veut. Donc, il y a des pièces dans le jeu qui n'ont pas vraiment d'objectif évident. Et il y a plusieurs routes, des routes multiples dans chaque tableau que tu peux prendre. Tu n'es pas obligé de suivre tout le temps le même chemin. Donc, c'est une approche de design anti-jeu vidéo, nous dit-il. C'est inefficace parce que la plupart du tableau est passé à faire des choses qui ne sont pas nécessaires pour le tableau, mais ça contribue à avoir une impression de liberté et de réalisme, nous dit Rare. Et donc, cette impression de liberté et de réalisme a contribué, selon eux, au succès du jeu. Donc, c'est GoldenEye 007, un des, probablement, je dirais, avec Super Mario 64, le jeu le plus populaire sur la Nintendo 64. Donc, félicitations à eux. On parle d'un jeu un petit peu plus obscur, Vectorman sur Genesis. C'est un jeu de Sega. Des copies au hasard du jeu Vectorman avaient une fin différente qui disait que le joueur avait gagné un prix spécial dans la compétition Play to Win de Sega. Donc, la prémisse du concours, c'était que certaines cartouches de jeux venaient avec un message spécial après avoir battu certains jeux pour gagner certaines cartouches de jeux pour gagner des prix dans la vraie vie. Donc, il y avait un numéro de téléphone qui apparaissait, qui disait aux joueurs, bon, vous avez gagné, appelez ce numéro-là. Un joueur l'a fait, a appelé, et il a été récompensé avec 25 000 $ en argent par Sega of America. Donc, un excellent concours. Tu fais le tour du jeu, tu arrives à la fin, tu as un écran spécial, tu gagnes quelque chose, ça t'a donné une raison d'avoir fini le jeu, plus que juste la satisfaction personnelle. Et j'imagine qu'il y avait sûrement la promotion autour de ça pour dire, si vous finissez le jeu, il y aurait des chances que, parce que sinon, il y a plein de gens qui finissent pas les jeux, là. La plupart des jeux que j'ai achetés dans ma vie, je n'ai même pas fini. Comme bien des gens. The Legend of Zelda, A Link to the Past, un classique sur Super Nintendo, dans la version américaine, en tout cas occidentale, du manuel d'instruction Ganondorf. Le grand méchant, Ganondorf, a le nom de famille Dragmire. C'était à cause de la compagnie, du groupe de traduction de Nintendo of America, qui voulait s'approprier quelque chose, il voulait faire une contribution à l'histoire du jeu. C'est la seule fois dans l'histoire de Zelda, de Legend of Zelda, que Ganondorf avait un nom de famille. Donc c'était vraiment grâce à l'équipe de traduction de Nintendo of America qu'on lui a donné le nom de Ganondorf Dragmire, et non pas juste de Ganondorf, qui était son nom partout ailleurs et depuis et avant. Ghostbusters, de Video Game, un jeu qui est sorti sur pas mal toutes les consoles, PlayStation 2, 3, PlayStation Portable, Wii et Xbox 360, donc toutes les consoles de l'époque, et sur PC aussi. Était supposé contenir un créateur de personnages. Mais l'idée a dû être abandonnée à cause des cinématiques. Les cinématiques, c'est des scènes qui, pendant le jeu, jouent tout seul. Bon, t'arrives à un certain objectif, à un point dans le jeu, et là, il y a une scène animée, des fois avec des acteurs, des fois ça parle, tu sais. Et tu n'as pas le contrôle du personnage pendant ce temps-là, c'est une cinématique. Donc, je cite Jesse Sosa, qui a travaillé sur le jeu, il a dit, et je cite, « On a essayé de faire un créateur de personnages, mais on a décidé de changer d'idée parce qu'on a appris qu'il fallait qu'on pre-render nos cinématiques. » Donc, pre-render, ça veut dire que ça pouvait pas être en temps réel avec les... avec le moteur graphique du jeu. Il fallait qu'il fasse le 3D à part, qu'il fasse un render, donc le compresser en une vidéo pas éditable après ça, et l'insérer dans le jeu après. Donc évidemment, on pouvait pas faire un personnage, un créateur de personnage, parce qu'il fallait que le personnage soit créé avant que la cinématique puisse jouer dans le jeu. Voilà. Intéressant quand même. Parlons de Wolfenstein The New Order sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One. Dans le Resistance Hideout, qui est un endroit dans le jeu, Resistance Hideout, il y a un lit à côté d'un mur avec des dessins de Wolfenstein 3D sur le mur. Si tu regardes le jeu, il est possible d'appuyer sur le bouton, je crois que c'est X, il est possible d'entrer dans un monde, dans un cauchemar en fait, où le personnage va être lancé dans un remake du premier tableau de Wolfenstein 3D, la version originale super rétro. Donc, le jeu est en 3D, super récent et contemporain. Tu regardes le lit, tu fais le bouton X, t'entres dans un rêve et là, t'es dans le jeu, peut-être pas 8 bits, là, mais tu vois que les graphiques sont rétro. Mets ton fusil à toi, ta personne est contemporaine et t'es vraiment comme en flashback dans ton cauchemar. C'est vraiment cool. Allez voir la vidéo, je l'ai regardée tantôt. Je la montrerai pas parce qu'il y a absolument rien à décrire, mais c'est vraiment ce que je vous ai dit. Là. C'est cool comme idée. C'est un œuf de Pâques, un petit bonus pour les fans. Killer Instinct version 2013 sur la Xbox One. C'est évidemment la suite de Killer Instinct sur Super Nintendo dans le temps. C'était Super Nintendo, Nintendo 64, si je me rappelle bien. Killer Instinct, ouais, c'est Nintendo 64. Exactement, ouais. J'ai joué à ça, mais je me rappelais plus sur quelle console. Donc, si tu restes immobile pendant une certaine période de temps, ça va commencer à faire quelque chose de bizarre un peu. Je pense qu'on pourrait, celui-là, aller d'aller entendre ce que ça donne. Donc, on va aller dans le jeu Killer Instinct 2013 sur Xbox One. Hey, what's up, guys? It's Acid Glow here. So, this is a video that lets you listen to all the idle stage themes in the game. C'est un gars qui a fait une vidéo pour vous faire entendre ce que ça donne. C'est dans le fond, quand tu es dans un mode à deux joueurs et que tu restes immobile, tu vas entendre une version remixée des chansons originales de la version Nintendo 64 de Killer Instinct. Donc là, ici, on est dans le remix. La trame sonore de Killer Instinct sur Nintendo 64, c'est tellement, tellement bon. C'est très, très rare, je trouve, comme son. Rare qui a travaillé sur Donkey Kong Country, entre autres. C'est pas le même artiste qui a travaillé là-dessus, mais ça sonne comme ça. Et vous allez voir qu'ils vont bientôt se mettre à bouger. Et la musique va changer. Ça va, c'est bientôt. Ça s'en vient. Et voilà. Ça, c'est la trame sonore de la version Xbox One. Qui est aussi très bonne, mais qui bouge beaucoup plus. Je pense qu'il y avait plus de place pour mettre de la musique grandiose et épique. Donc, la trame sonore de Killer Instinct, j'ai fait mes recherches un petit peu pendant la chanson, par Robin Beanland et Graham Norgate. Donc, vous pouvez aller l'entendre au complet sur killerinstinctcentral.com. C'est ce que je vais faire, je pense, parce que pour vrai, je trouve ça génial comme trame sonore, même que je l'ai laissé continuer. On va entendre plusieurs chansons jouées d'ici la fin de la chronique. Donc, comme je dis, il faut rester immobile dans Killer Instinct sur Xbox One. Ensuite, depuis son, on va parler de Mario un petit peu pendant quelques instants. Il y a pas mal de faits sur Mario. Depuis le début de Mario en 1981, la série au complet, il n'y a pas eu une seule année où un jeu de Mario n'est pas sorti. Depuis 1981, chaque année, un jeu de Mario. Incroyable. Et on parle de toutes les versions, que ce soit sport, karting, ben c'est un sport le karting, j'imagine, que ce soit les jeux de party, les jeux de rôle. Dans Mario Kart Super City sur Game Boy Advance, dans la version, dans l'image qui donnait un avant-goût de la piste Sunset Wars dans les magazines, entre autres, il y avait des Shy Guys. Les Shy Guys, c'est des petits bonhommes rouges avec des gros yeux, un masque blanc et des yeux noirs. Donc, les Shy Guys portaient un Native American headdress. Donc, ça, c'est des trucs que les Amérindiens portent avec les plumes sur la tête. Ça, c'était dans les images d'avant-goût. De bande-annonce, mais elles ont été enlevées, ces plumes-là, dans la version internationale, pour ne pas offusquer personne. On sait commencer de nos jours. Dans Mario Kart Double Dash sur GameCube, dans toutes les versions du jeu, si on entre le code LRLRXYXYZ dans le menu qui est montré après une course, ça va révéler un code en bas de l'écran, en bas du menu. C'est un code qui était fait pour un concours japonais, un peu comme tantôt, on avait parlé d'un code qui apparaissait à la fin d'un jeu. Si c'était n'importe où, même les versions américaines qui n'avaient pas de ce concours-là, vous pouvez quand même faire le code et voir le code apparaître en bas de l'écran dans ce cas-ci. EDJFK4LSYQ4PAK0OU. Dans Super Smash Bros., à l'arrière-plan du tableau Mushroom Kingdom, donc évidemment le tableau basé sur Mario Bros. 1, les tortues Green Koopa Koopa, donc Koopa Troopa, pardon, sont en train de marcher à l'arrière-plan sur les plateformes. Ils font des gauche droite sur les plateformes, les tortues vertes. Ce qui vient contredire tous les jeux de Mario depuis et avant et après, où les Koopas rouges vont faire des allers-retours sur les plateformes et les Koopas vertes vont tomber en bas. Les Koopas vertes sont moins intelligentes et quand elles arrivent au bout d'une plateforme, elles font juste se lancer en bas. C'est seulement les rouges qui font les allers-retours, donc ça vient un petit peu contredire la règle dans Super Smash Bros. Dans Super Mario World sur Game Boy Advance et Super Nintendo, Game Boy Advance c'est un remake évidemment, les premières captures d'écran du jeu montraient Raccoon Mario, donc Mario Tanuki, qui était supposé faire son retour dans le jeu. Ça, c'est Mario avec la queue de raton laveur qui peut voler. Donc, la queue de raton laveur et plusieurs versions de Mario avec sa queue de raton laveur sont trouvées dans le ROM. Donc, le ROM, c'est l'image du jeu en tant que tel sur la cartouche de Super Nintendo. C'est utilisé, entre autres, pour tester des fonctions sur la console. Mais dans le jeu en tant que tel de Mario World, c'est pas disponible. À la place, on a une plume et la cape. Vous vous rappelez sûrement dans Mario World, on avait une cape. On pouvait faire des hauts bas là, en faisant des genres de canons, si on veut, sur le sol. Mais on aurait pu avoir la feuille de raton laveur. Je préfère de loin la feuille de raton laveur, comme la plupart des gens, parce que ça te permet de voler normal à la place de devoir faire des hauts et bas pour prendre de la hauteur. Maintenant, dans Super Smash Bros. Brawl sur la Wii, le thème de la victoire de Sonic est en fait le thème Stage Clear, donc de fin de tableau de Sonic the Hedgehog 2006. C'est la seule fanfare qui est prise directement d'un autre jeu que Super Smash Bros. Même Mario n'a pas de finale comme dans les jeux de Mario. C'est le seul que sa finale est prise dans son jeu vidéo. Je trouve que c'est une opportunité ratée. Il aurait dû le faire avec tous les thèmes de victoire de tous les jeux qui en ont. Aurait dû servir, il me semble. Mais bon. Et pour rester dans le domaine de Super Smash Bros., mais un petit peu par la bande, c'est pour ça que j'ai mis à la fin, c'est dans Kirby and the Amazing Mirror sur Game Boy Advance. Les personnages de Master Hand et Crazy Hand de la série Super Smash Bros. Font une apparition dans ce jeu-là. Ils jouent des boss, donc des grands méchants de fin de monde. Master Hand apparaît aussi comme mini-boss un petit peu partout dans le monde de Kirby. The Amazing Mirror, pardon. Donc les deux vont faire des attaques similaires à leur équivalent dans Super Smash Bros., la série. Si on bat Master Hand, le mini-boss, ça va aussi permettre aux joueurs d'avaler Master Hand. Vous savez que Kirby, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il avale les pouvoirs des autres. Donc ça va donner à Kirby le pouvoir Smash, où il va pouvoir utiliser tous ses moves de Super Smash Bros. Vous savez, les moves que Kirby a dans Super Smash Bros. Deviennent donc disponibles dans la version sur Game Boy Advance de Kirby and the Amazing Mirror. C'est une drôle de référence. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est sorti un peu dans le même coin temporellement. Donc, de tirer profit de cet avantage Super Smash Bros.-là, c'est une idée excellente. Voilà pour cette fait Tech Edition. On a terminé la première heure là-dessus. On a fait plus long que d'habitude. Donc, on va se quitter quelques instants. On va aller en pause. Après ça, on va revenir avec une deuxième heure du Mathieu Plante Show. Juste après ces quelques messages et cette chanson de Killer Instinct. Merci. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. Il nous reste une heure ensemble. Tantôt on fera CNX, le segment geek, on a aussi WoW at Web et le segment sur Double Trouble, la trame sonore de Donkey Kong Country 3. Mais avant ça, une petite chanson de chiptune pour continuer. On s'en va entendre Brick Breaker avec la chanson Open World. Ça commence dès à présent, tout de suite. Alors, juste là, dans quelques instants, ce sera Merci Science. Merci Science. Point d'exclamation. par Brick Breaker. C'est la première pièce de son nouvel album Breakout EP qui est sorti plus tôt ce mois-ci. Allez voir brickbreaker.bandcamp.com. Brick Breaker, B-R-K-E-R. Donc il manque quelques lettres. Brick Breaker. Open World est le nom de la pièce. C'était vraiment très bon. Je pense que c'est ma préférée jusqu'à maintenant aujourd'hui. Ce qui nous amène à parler de science, voici Merci Science. C'est Merci Science. L'intro, où il n'y a pas vraiment de point où embarquer. Genre, sinon ça continue comme ça longtemps. Quand embarquer? Oh oui! Donc, Merci Science, c'est là la chronique où on remercie la science d'exister parce qu'elle nous permet d'avancer un petit peu dans la vie. Hein? La course à pied facilitée par les mathématiques. Des chercheurs français ont mis au point un modèle mathématique permettant d'optimiser l'une des activités physiques les plus prisées, la course à pied. Aussi bien pour les joggeurs aguerris que pour les sportifs du dimanche, avant de l'étendre au cyclisme, à la natation et au canot. Donc, comment courir pour améliorer sa performance, son poids et sa forme? Amandine Aftalion, de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, et Frédéric Bonin, de l'École Polytechnique, ont créé un modèle mathématique d'optimisation de la course qui pourrait conduire à un programme d'entraînement personnalisé selon l'état physiologique de chacun. Il confirme... Ah, c'est un gars, ça, Amandine. OK. Ben, bravo. Il confirme, en outre, un fait bien connu des sportifs, que varier sa vitesse permet de mieux dépenser son énergie et de courir plus longtemps. Les mathématiques offrent ainsi l'opportunité aux coureurs de dépasser de simples outils... Pardon. De passer de simples outils de mesure statistique aux conseils sportifs spécialisés et personnalisés. Ces travaux sont publiés dans la revue SIAM Journal on Applied Mathematics. Ce modèle mathématique prend tout d'abord en compte l'énergie du coureur, notamment sa consommation maximale d'oxygène, le VO2 max, et son stock d'énergie à anaérobie, en les faisant intervenir dans un système d'équations différentielles reliant la vitesse, l'accélération, la force de propulsion et les forces de frottement. Ce système est couplé à des conditions initiales de départ de la course, vitesse nulle et quantité d'énergie donnée, et des contraintes. L'énergie et la force de propulsion doivent être positives. Ce qui veut dire que le coureur ne peut pas reculer. Les chercheurs sont capables, avec ce modèle, de prédire le comportement que doit avoir le sportif tout au long de sa course au moyen d'un bilan instantané déterminant au plus près la vitesse optimale du coureur et l'énergie dépensée depuis le départ. Le résultat principal montre ainsi que varier sa vitesse permet de dépenser moins d'énergie et de courir plus longtemps. De plus, en comparant ces résultats avec ceux d'athlètes professionnels, les auteurs peuvent également préciser quels paramètres physiologiques les coureurs doivent développer pour s'améliorer. Les applications de ce modèle concernent deux types de publics. Dans le cas des coureurs semi-professionnels qui n'ont pas l'opportunité de travailler avec un entraîneur de sport ou dans le cadre de cours d'éducation physique et sportive à l'école, les chercheurs souhaiteraient développer un logiciel capable de créer des programmes d'entraînement personnalisés qui indiqueraient les paramètres physiologiques à développer en priorité et de réaliser des stratégies précisant les vitesses optimales à atteindre à chaque moment de la course. Le système d'équation étant adaptable à toutes les variables intéressantes pour le sportif et pas seulement la vitesse, les coureurs du dimanche pourraient par exemple connaître instantanément le nombre exact de calories perdues lors de la course et non pas une simple moyenne comme les outils donnent d'habitude à présentement les montres intelligentes, les téléphones cellulaires, etc., afin d'améliorer leur perte de poids. Les chercheurs souhaitent désormais parfaire leur modèle mathématique en intégrant au système d'équation de nouveaux paramètres comme l'altitude ou l'effet du vent et l'appliquer à d'autres sports d'endurance comme le cyclisme, la natation ou le canoë-kayak. C'est cool. C'est évident que les moyennes, c'est pas pour tout le monde. T'sais. Quand t'es plus grand que la moyenne, plus petit que la moyenne, plus grand poids, bon point, etc., c'est aucunement fiable. Donc, si on pouvait avoir quelque chose d'un petit peu plus près de la réalité, un temps soit peu, ce serait déjà parfait. Stacy Erholtz doit la vie au virus de la rougeole. Condamnée à la mort à cause d'un myélome métastasé qui ne répondait pas au traitement, cette quinquagénaire américaine a vu ses tumeurs reculer nettement après une virothérapie à des doses permettant normalement d'immuniser 10 millions de personnes. On appelle ça une « super size me dose ». Âgée de 50 ans, cette Américaine de Pequot Lakes, au Minnesota, revient de très loin, victime d'un myélome, un cancer des cellules de la moelle osseuse entraînant des tumeurs au niveau des os, des os. Elle n'avait répondu ni à la chimiothérapie, ni aux deux transplantations de cellules souches. L'une de ses grosses tumeurs la défigurait même, en ayant détruit un os du front et en appuyant sur son cerveau. Face à ce cas désespéré, les médecins de la Mayo Clinic de Rochester dans Minnesota sont sous l'égide de Stephen Russell, ont proposé une nouvelle solution thérapeutique qui avait fonctionné chez la souris mais qui n'avait jamais été testée chez l'humain, une virothérapie à base du virus de la rougeole modifiée de manière à cibler les cellules plasmatiques myélomateuses. Donc Stacy Erholtz a reçu une injection de 100 milliards d'unités de virus modifiées, une dose énorme suffisante pour vacciner, comme j'ai tantôt, 10 millions de personnes. Les effets secondaires n'ont pas tardé à se faire ressentir. 5 minutes après, la patiente souffrait d'un terrible mal de tête. 2 heures plus tard, sa température corporelle atteignait les 40,5 degrés Celsius. Des moments de souffrance qui ont valu la peine. 36 heures après l'inoculation, sa tumeur frontale commençait à reculer. Quelques semaines plus tard, elle n'était plus visible. Les autres grosseurs de son organisme avaient également disparu. Il est encore beaucoup trop tôt pour parler de guérison de son cancer, mais les médecins n'hésitent pas à évoquer la rémission après seulement une seule injection. Ce succès fait renaître l'intérêt de la virothérapie contre les cancers, technique déjà testée depuis les années 50, mais rarement avec un tel succès. Le modèle utilisé pourrait néanmoins ne pas convenir à tout le monde ou exiger des traitements préalables supplémentaires pour assurer l'efficacité de la thérapie. Si cette annonce développée dans le journal Mayo Clinic Proceedings suscite l'espoir, que faut-il attendre de ce traitement? Il est encore trop tôt pour le dire, car en parallèle, un autre patient a bénéficié de la même thérapie, mais dans ce cas-là, ça a été inefficace. Il est décédé depuis. Dans l'éventualité où celle-ci révélerait être une solution supplémentaire et surtout efficace contre le myélome, elle pourrait être transposable à d'autres cancers comme ceux touchant le pancréas, par exemple, connu pour son agressivité et son taux de mortalité très élevé. On s'entend pour dire que des choses comme ça, il en faut plus. Pas des décès, mais au moins de tester, surtout si c'est un dernier recours, parce que la personne serait probablement morte éventuellement de toute façon. Aussi bien essayer un dernier recours. Ça fonctionne, sinon ça fonctionne pas. Hein? Maintenant, iPad primitif retrouvé dans une épave médiévale. Dans un bateau byzantin daté du 9e siècle, les archéologues ont trouvé l'équivalent médiéval de nos tablettes tactiles actuelles. Je pense qu'on y va un petit peu fort là-dessus, mais quand même. Dans un coffre en bois, un outil portable servant à prendre des notes et disposant d'un équivalent de nos applications. Encore une fois, on image la chose pas mal dans l'article de Futura Science. Servant à évaluer la valeur des marchandises devait être utile au commerce florissant de l'époque. Donc, une nouvelle découverte archéologique dans le port de Yenikapi, dans l'actuel Istanbul. Ce site excavé en 2004 dans la partie européenne de la capitale turque est un véritable trésor pour les passionnés d'histoire. Construit à la fin du 4e siècle de notre ère par l'empereur romain Théodose Ier, il est longtemps resté le principal port de commerce de la cité du Bosphore, qui venait à l'époque de changer de nom et qu'on appelait alors Constantinople, qui est maintenant Istanbul. Pardonnez-moi. Il fait désormais l'objet de fouilles depuis 10 ans, contenant les restes de 37 navires et même de produits organiques de l'époque. Youfak Kokabas, directeur de ses recherches à l'Université d'Istanbul, annonce que dans la presse locale avoir sorti de l'eau un objet en bois encore inédit, ayant probablement appartenu au capitaine de ce bâtiment de commerce. Il s'agirait d'un équivalent de tout ce qu'il y a de plus primitif de nos iPads ou autres tablettes numériques, avec même une application. C'est un outil qui mesure 18 cm de longueur par... Donc c'est le 7 pouces, dans le fond, le traditionnel 7 pouces des tablettes, là. Mini. Cet objet consiste en réalité en 5 panneaux superposés recouverts de cire et richement décorés de gravures. Sur l'une d'elles, des mots écrits en grec laissent entendre qu'elles étaient utiles à la prise de notes, puisque les tablettes de cire ont servi durant des siècles de support d'écriture effaçable, tels les tableaux à l'école. En dessous se trouve un panneau coulissant qui cache une autre application, des petits pois. Les découvreurs pensent qu'il servait à équilibrer un trébuchet, non pas l'arme de siège, mais un petit outil permettant d'évaluer la valeur de la monnaie d'échange en estimant la teneur d'un métal, en particulier dans un minéral, ou en déterminant le type de métal précieux contenu dans un alliage. Enfin, les trous percés dans chacun des panneaux laissent supposer qu'ils étaient reliés entre eux par des lanières de cuir pour éviter qu'ils ne coulissent inopinément et rendre le tout facilement transportable, comme un cartable. Donc, c'est quasiment l'ancêtre. C'est plus l'ancêtre d'un cartable avec du papier quadrillé que l'ancêtre d'un iPad, je trouve. Mais bon. Un outil idéal et multifonction qui convenait très bien à ce navire marchand construit d'après les analyses au 9e siècle. Fantastique nouvelle. Inutile à savoir, mais en même temps pour les amateurs d'histoire, c'est le fun de voir que même à l'époque, on pensait à faire des choses comme ça. C'est quand même assez brillant comme idée. Des neurones simulés avec des lasers à semi-conducteurs. Isaac Asimov rêvait de robots avec... rêvait de robots avec des cerveaux positroniques, mais il se pourrait bien que l'avenir de l'intelligence artificielle passe par la technologie d'ordinateurs utilisant des réseaux de neurones artificiels optiques. Les informations y seraient traitées non pas sous forme de courant de charge, mais sous forme de photons émis par effet laser. Le cerveau humain, avec ses 85 à 100 milliards de neurones, est capable d'accomplir certaines tâches plus efficacement que les ordinateurs actuels issus de travaux de Von Neumann et Alan Turing. Il consomme notamment bien moins d'énergie dans certains cas. C'est l'une des raisons pour lesquelles on espère du Human Brain Project qui nous permette de mieux comprendre comment les neurones traitent l'information pour nous en inspirer. Un groupe de physiciens du laboratoire de photonique et de nanostructures du CNRS vient de publier dans PRL les résultats de travaux qui montrent que des semi-conducteurs, dans lesquels se produit l'effet laser, permettaient de simuler avec des courants de photons le traitement de l'information effectuée par les neurones à partir de courants électriques. Dans le cadre des neurosciences computationnelles, beaucoup trop de termes compliqués ici. On cherche depuis longtemps à modéliser le comportement des neurones à partir de systèmes décrits par des équations différentielles non linéaires. Ça explique par les propriétés expérimentalement constatées des neurones. Cela s'explique, pardon, par les propriétés expérimentalement constatées des neurones. Lorsqu'une cellule nerveuse reçoit des signaux électriques en provenance des milliers d'autres de ses pairs via des connexions synaptiques, il faut que la somme de ces signaux dépasse un certain seuil avant que le neurone envoie lui-même une série d'impulsions en direction de ses voisins. En dessous de ce seuil-là, le signal qu'il émet est faible et varie linéairement en réponse aux signaux d'entrée, alors qu'au-dessus, son amplitude est grande et varie de façon non linéaire. Bon, là, c'est compliqué, on va l'expliquer un petit peu après. Hein. Donc, des ordinateurs qui seraient conçus pour simuler au plus près le fonctionnement du cerveau humain devraient donc être constitués de neurones artificiels aptes à traiter les signaux de façon similaire. Évidemment. Dans l'idéal, l'utilisation de photons au lieu de charges électriques permettrait d'effectuer des calculs encore plus rapidement et en dissipant moins de chaleur. Le dispositif étudié par Sylvain Barbet et ses collègues du LPN correspond à certaines de ces exigences-là. De forme cylindrique, haute de 10 micromètres et large de quelques microns, il est constitué d'un sandwich de matériaux semi-conducteurs. Tu vois, là, ça me touche, de sandwich de matériaux semi-conducteurs. Et comme il peut être le lieu de la manifestation d'un effet laser, il a été nommé micropilier laser. Les chercheurs ont pu montrer qu'ils avaient bien obtenu un système excitable comme un neurone, mais sous l'action d'impulsion laser. Ces réponses sont très rapides, de l'ordre de 200 picosecondes, c'est minuscule, durée si courte qu'aucun autre neurone, aussi bien biologique qu'artificiel, ne peut montrer. Se montrer aussi rapide que ça. La voie menant à un ordinateur simulant un cerveau humain, c'est à quoi on voulait en venir, avec des neurones artificiels, est encore longue, ne serait-ce que parce qu'elle exige de nombreux types de neurones spécialisés et que la technologie ne permet pas encore de réaliser un système aussi complexe. Mais on devrait déjà pouvoir fabriquer des réseaux de neurones artificiels de petite taille avec ces micropiliers laser dans un avenir proche, nous dit-on. Simulation, intelligence artificielle, quelque chose quand même. C'est vraiment complexe, des sujets comme ça, mais je trouve ça super le fun de lire ça. C'est sur Futura Science, ces articles-là. Allez voir assemblagerequis.com. Alors, quelques instants, le segment Geek CNX, avec entre autres des ingénieurs de Hitachi qui inventent un robot qui fait des blagues. Est-ce que c'est de mon calibre? On va voir. Mais avant ça, on retourne en chiptune, on s'en va entendre Moonside avec Jelly Nintendo Core. Une guitare, une bass, une batterie, deux voix et un LSDJ pour faire le sampling. Super jeu vidéo. On va suivre plein de choses sur ça. We'll be right back. Une intense pièce de Moonside, Jelly, Nintendo Core. Encore une fois, c'était un guitariste, un bassiste, un drummer, deux voix et un LSDJ. Tout ça, c'était fait en direct, c'est un enregistrement en direct, sauf la programmation, évidemment, de la musique chiptune en arrière. Mais tout ça a été mixé et samplé en direct. Maintenant, tiens, allons-y avec le segment Geeks Unix. On va parler des nouvelles geeks de la semaine. Évidemment, tout ce qui va intéresser vous, les geeks, si vous n'êtes pas geeks, ça va sûrement pas vous intéresser. Dommage pour vous. Commençons par des avancées technologiques. Des ingénieurs de Hitachi qui ont inventé un robot qui blague. Il fait des plaisanteries pas de très bon goût. Certes, des scientifiques japonais ont présenté un petit robot capable de dialoguer et de se rendre compte si une blague tombe à plat, nous dit l'agence France Presse. Mew est un petit bonhomme rouge et blanc de 80 cm monté sur roulette avec au milieu de son visage blanc deux points noirs en guise d'yeux. Ses géniteurs, des ingénieurs de la société Hitachi. Pardon. Recommençons. Ses géniteurs, des ingénieurs de la société Hitachi, lui ont fait apprendre toute une série de mots qui lui permettent ensuite d'analyser la question qu'on lui pose avant d'y répondre. Un ingénieur lui demande combien de personnes travaillent dans un centre de recherche. Le petit farceur lui répond « Nous avons deux cygnes ». L'animal. Son interlocuteur reste évidemment perplexe, tout comme l'assistance. Alors, Emu lui dit qu'il blaguait. Et je cite, « T'as pigé? Je plaisantais. Il y a environ 800 personnes. » Où est la blague? Je sais pas. Hisashi Ikeda, un ingénieur de la maison, concède qu'effectivement, le sens de l'humour du petit robot en permanence connecté à Internet n'est pas génial, mais le plus important est sa capacité à comprendre. Selon Hitachi, ce petit être mécatronique ne se contente pas de comprendre et répondre par reconnaissance et synthèse vocale. Il sait aussi analyser les réactions de ses interlocuteurs, par exemple la signification de hochements de tête et d'autres mouvements. EMIEW, je l'appelle ici E-M-I-E-W, c'est l'acronyme de Excellent Mobility and Interactive Existence as Workmate. Donc, excellente mobilité et existence interactive en tant que collègue de travail. Est destiné à tenir compagnie comme un animal ou pourrait aussi faire fonction de réceptionniste selon la compagnie Hitachi, la compagnie japonaise. Il va falloir travailler sur que les blagues aient du sens, t'sais? Parce que sinon, tant qu'à ça, je vais aller travailler pour vous autres. Il va faire la réceptionniste avec des blagues qui n'ont pas de punch. T'sais? On pourrait demander à JP, l'assemblage requis aussi, blague pas de punch, c'est son fort. Donc voilà pour ça. Un autre robot, on reste chez les robots, capable de se transformer en n'importe quel meuble pour aider les personnes à mobilité réduite. Besoin d'une chaise ou d'une table parce que vous avez sous-estimé votre nombre d'invités? Des chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ont mis au point les Roombots, de petites sphères capables de se transformer en meubles. Selon le directeur du laboratoire biorobotique de l'EPFL en Suisse, Oculus Wirpert, les Roombots pourraient révolutionner notre environnement quotidien. Il suffira simplement de programmer la disposition d'une chambre ou d'une salle de conférence, puis de laisser les modules faire le travail, explique l'équipe scientifique dont sont comptes rendus, publié dans la revue scientifique Robotics and Autonomous Systems. À première vue, cette petite sphère robotique d'une dimension approximative de 15 par 15 par 15 cm, pesant à peine plus d'un kilo et munie d'un moteur permettant de réaliser trois sortes de mouvements, elle n'est pas d'une grande utilité, si ce n'est pour se tortiller sur elle-même et évoluer sur le sol. Une fois les modules accrochés les uns aux autres par un système de griffes rétractables, les possibilités qu'offre cet ensemble robotique extensible à l'infini sont nombreuses. À l'aide de plateformes dites passives, à l'image de cubes et de plaques dans lesquelles sont percés des trous afin de correspondre à l'emplacement des griffes, un système de genre de velcro là, d'embranchement, les Roombots peuvent construire des chaises ou des tables et passer de l'un à l'autre sans difficulté. On voit sur la photo, sur assemblagerequis.com, qu'ils ont fait une table avec ces petits cubes-là. C'est vraiment des cubes qui vont s'attacher ensemble, pas se clouer ou se visser, mais se greffer, si on veut, les uns aux autres pour faire une table. C'est vraiment cool. Le principal objectif de Oculus Wirpert est de faire des Roombots une technologie d'assistance pour les personnes à mobilité réduite, entre autres. Donc, on pourrait permettre à une table d'approcher la personne, pouvoir lui apporter ses médicaments ou un verre d'eau pour que la personne n'ait pas à se déplacer. Le rêve de monsieur est de créer un système comparable au Lego, en fournissant plusieurs types de pièces aux utilisateurs pour réaliser leurs propres objets et design. Toutefois, si les chercheurs s'apprêtent à améliorer le projet grâce au coup de pouce financier du Fonds national suisse de la recherche scientifique, ce n'est pas demain la veille que les Roombots vont débarquer dans nos maisons. Interrogés par le site Mashable.com, les scientifiques ont clairement indiqué qu'une projet du coup de pouce financier du Fonds national suisse de la recherche scientifique, mais par contre, industrialisation, là, je m'en fâche, ne pouvait être envisagée avant une bonne quinzaine d'années, même voire une vingtaine, c'est pas mal loin ça, mais bon. L'eau faune, ou comment envoyer et recevoir des odeurs par SMS, oui, le haut faune, ou l'iPhone, on se comprend la lettre O, C'est un article de l'agence France Presse par une personne nommée Septime Meunier. Septime, eh ben. Envoyer et recevoir les odeurs par SMS, c'est ce que permettra le Haut Fond, dont la commercialisation est prévue début 2015 et qui recèle un potentiel important selon l'initiateur du projet, David Edwards, professeur de génie biomédical à Harvard. Appareil de forme cylindrique reposant sur un dock, l'Haut Fond est un petit boîtier blanc qui génère des signaux aromatiques complexes en succession rapide de petites émissions de vapeur. Comme un téléphone standard transmet des informations audio, mais ça transmet à la place des petites émissions de vapeur. Hey, un peu comme le Mathieu Plancho, c'est une émission de vapeur. Ça passe, on se rappelle pas de ce que j'ai dit là 10 minutes. Il fonctionne grâce à la manipulation technologique de particules d'une manière similaire à la technologie d'aérosols médicaux qui a permis à ce philanthrope, écrivain et inventeur en série de bâtir sa fortune à la fin des années 90. Pour exploiter cette idée issue de l'un de ses cours à Harvard, il a cofondé la société Vapor Communications. D'abord réservée aux utilisateurs de l'iPhone par le biais d'une application gratuite nommée O-Snap. O-Snap! Téléchargeable à partir du 17 juin, l'Haut Fond dispose pour l'instant de 32 odeurs originales. Afin de créer sa propre odeur, l'utilisateur peut en combiner jusqu'à 8, ce qui représente quand même 300 000 combinaisons possibles. L'éventail des senteurs étant très large dans le monde réel, un choix de fragrance était nécessaire pour débuter les expérimentations. Donc, ils ont ciblé deux domaines, celui du café, pour lequel ils ont travaillé avec les fondateurs de Café Coutume, qui est un torréfacteur parisien, et plus largement celui de l'alimentaire. Une fois le système opérationnel, un promeneur pourra par exemple prendre une photo lors d'une balade en forêt à laquelle il ajoutera ensuite une ou plusieurs odeurs restituant l'ambiance olfactive l'entourant. Donc, ça veut dire que tu peux pas puiser l'odeur de la forêt, mais tu pourrais toi-même essayer de faire avec des vapeurs une combinaison qui ressemblerait à la forêt et matcher ça avec la photo pour pouvoir envoyer la photo avec l'odeur plus tard et essayer de donner l'impression d'avoir été en forêt. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut que tu le fasses toi-même, tu sais. Il enverra ensuite une O-Note, qui est un fichier transmis par SMS à un ami qui va en visualiser d'abord la composition sur le site dédié. Puis il va disposer, s'il dispose lui-même d'un iPhone et du O-Phone, le téléchargera pour le sentir. Ça va genre jamais arriver, là, avant un maudit bout. L'odeur en elle-même sera produite par des mini-capsules baptisées des O-Chips. Donc là, tu as le O-Phone, le O-Snap et le O-Chips. Une campagne. Une campagne de financement participatif se déroulera sur le site Indiegogo du 17 juin au 31 juillet. Les contributeurs pourront bénéficier du produit en avant-première à un prix préférentiel de 149 € contre 199 € lors de la mise en vente. Les hauts chips vont être vendus, et là, c'est ce que je comprends pas de l'article, les hauts chips vont être vendus 20 $ pour 4. Donc, tantôt, c'était 149 € pour la machine, mais 20 $ pour 4 capsules, peux-tu choisir ton argent, s'il vous plaît? S'il n'est pas encore possible aujourd'hui d'imaginer un dispositif analysant une odeur pour la retranscrire fidèlement, comme je disais tantôt, c'est trop compliqué pour l'instant, selon le chimiste et mathématicien, l'émergence du message olfactif pourrait bien avoir un impact équivalent à celui de l'impression 3D. Pour vrai, l'impression 3D, il y a quelques années, on riait de ça comme quelque chose de complètement inutile, jusqu'à temps qu'on voit qu'on peut faire des prothèses pour un bras cassé, on peut faire un nouveau case de téléphone, un étui, on peut tout faire avec ça. C'est devenu comme super cool de parler d'impression 3D, donc peut-être que là, on rit du Haut Fond avec son odeur de ses 300 000 odeurs disponibles. Et bien, peut-être qu'un jour, que ça va être le fun. Je sais pas, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire encore, là. Pas sûr. Les odeurs, si je veux sentir quelque chose, j'irai en vrai. Je sais pas. Sinon, ça va me donner faim. Tu me fais sentir un bagel, mettons, c'est ça, genre faim. Un fabricant industrialise enfin un concept ambitieux mais populaire auprès de la communauté des modders, ces personnes qui fabriquent des boîtiers d'ordinateurs sur mesure. Le bureau boîtier, ou inverse, le boîtier bureau, Lian Li a effectivement annoncé au Computex des bureaux pouvant, peut-être pas au Computex, c'était en amont, avant le Computex. Ah bon, c'est avant, je pense. Des bureaux pouvant accueillir directement des composants d'ordinateurs. Donc, Liani propose plus précisément deux modèles, les DK01X et DK02X, qui peuvent accueillir un ou deux ordinateurs. Le premier mesure 90 cm de large, le second 120, et mesure tous deux 60 cm de profondeur et 80,5 ou 83,5 de hauteur cm. Ils sont livrés avec une tablette pour clavier et souris, mesurant seulement 24 cm, et une poche de rangement latérale. Les bureaux sont naturellement en aluminium, hein, c'est la marque de fabrique de ce fabricant. J'aime ça comment c'est écrit, taïwanais. On accède à l'intérieur du boîtier en le faisant coulisser, c'est un tiroir, ou en retirant le plateau en verre trempé teinté. Pour être beau, c'est vraiment beau. Vraiment beau. Donc, le DK01X peut accueillir une grande carte mère. Là, évidemment, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui peuvent accueillir des plus grandes affaires, plus de chaque affaire, etc. Donc, je vais y aller en superficie. Là. Bon, carte graphique, emplacement individuel de 3,5 pouces pour des lecteurs, des disques durs internes, Il y a du refroidissement des ventilateurs, etc. Donc, ces bureaux boîtiers Lianli DK01X et DK02X seront disponibles en Europe au mois d'août pour les coquettes sommes de 750 et 900 euros. En commande sur Internet, évidemment, si vous en voulez, vous aussi. C'est juste le fun parce que tu as un bureau vraiment super sophistiqué, mettons en bois, avec une vitre sur le dessus, dans la photo sur assemblagereki.com. Ça a été fait maison par un membre du forum Cooler Master. Mais la table est en bois avec une vitre dans le milieu où tu vois les composantes intérieures de l'ordinateur. Et tu as deux écrans qui sortent en arrière, on dirait comme suspendus dans les airs. Et évidemment, tu n'as aucun ordinateur parce que l'ordinateur est dans le bureau. Donc, tu peux vraiment étendre tes jambes comme tu veux. T'es pas encombré par les machines. Et encore une fois, tu as de la ventilation silencieuse. Donc, t'as pas, comme, mettons, moi, dans mon bureau, un ordinateur à terre qui fait du bruit, du vacarme tout le temps. Quand tu l'éteins, tu fais comme, waouh, ça peut avoir l'air de ça, la vie. Oui, ça pourrait, mais c'est pas le cas. Maintenant, la publicité enverra-t-elle bientôt tous les objets de notre quotidien, nous demande Clubic.com. Google n'exclut clairement pas cette idée et perçoit de très fortes opportunités à venir pour l'Internet des objets, l'Internet of Things, qu'on appelle en anglais. Donc, la tendance est aux objets connectés, que ce soit montres, bracelets, etc., en jugé par la stratégie mise en œuvre par Google avec ses lunettes, entre autres. Le secteur semble plutôt prometteur. Après le smartphone et les tablettes, Google entend déployer ses applications dans le futur lunettes connectées, mais également dans un thermostat ou dans une prochaine voiture. Seulement, ces services s'accompagneront, bien sûr, de publicité. Au mois de janvier, à l'occasion du CES, le Consumer Electronics Show, Google s'est allié à Audi, General Motors, Honda et Hyundai afin de déployer un véritable écosystème basé sur Android au sein des prochains véhicules connectés. Cette semaine, la firme californienne a également ouvert les ventes de ses lunettes Google Glass auprès des consommateurs américains. On avait parlé de ça la semaine passée. En début d'année, la société a effectué le rachat du constructeur de thermostat Net pour 3,2 milliards de dollars. Enfin, Google a levé le voile sur Android Wear, une version de son OS mobile spécialement conçue pour les objets du prêt-à-porter high-tech. Dans sa lettre aux autorités financières, Google explique ne pas vouloir divulguer la part de ses revenus publicitaires générés par les appareils mobiles et ajoute que ce terme est amené à évoluer. Plus clairement, la société affirme, et je cite, « Nous nous attendons à ce que la définition du terme mobile continue à évoluer, puisque de plus en plus d'appareils intelligents gagnent des parts de marché. Par exemple, d'ici quelques années, nous, comme d'autres sociétés, pourrions déployer de la publicité ainsi que d'autres contenus sur des réfrigérateurs, des tableaux de bord de voiture, des thermostats, des lunettes et des montres, pour ne citer que quelques possibilités. » Pour Google, le mécanisme est simple. La publicité rémunère un service et le consommateur n'a donc d'autre choix que de l'accepter. On pourrait toutefois se demander si ce modèle s'appliquera bien aux autres objets de la vie courante et si les utilisateurs seront enclins à retrouver de nouvelles formes de publicité directement dans leur cuisine ou leur salon. Ce qui me rappelle un peu les tablettes, les liseuses qu'on appelle d'Amazon, les Kindle. Il y avait un modèle pendant quelques temps où tu pouvais acheter une version avec pub ou une version sans pub. Le prix est un petit peu moins cher pour la version avec pub. Et je suis allé récemment regarder les Kindle sur le site d'Amazon et j'ai pas revu les versions avec pub. Donc, t'es rendu avec Kindle à 119$, Kindle Paperwhite à 139$, Kindle Paperwhite avec version 3G Internet pour 209$ et le reste n'existe plus. Donc, les versions avec pub, je crois que ça a pas fonctionné du tout. Les gens, s'ils ont le choix entre payer moins cher mais avoir des pubs, et payer plus cher et ne pas avoir de pub pour des produits que tu payes cher comme ça, moi je pense que les gens vont être plus prêts à payer. C'est à l'opposé complètement des applications sur iPhone ou autres téléphones intelligents où tu as l'occasion d'un jeu, mettons, à 3$ sans pub et gratuit avec pub. La plupart des gens vont choisir la version gratuite avec des pubs. Tu sais, moi, j'ai joué à un jeu de course l'autre fois. Tu peux débarrer un tableau en regardant une publicité de 15 secondes. C'est sûr que je veux faire ça. Et là, tu ramasses de la monnaie dans le jeu et tu peux débarrer des affaires. T'as pas à dépenser de l'argent. Je trouve que ça vaut la peine, les jeux gratuits. Mais pour un appareil, moi, je serais contre la pub. Tu sais, imagine, t'as une montre qui te bip avec tes courriels et tes SMS, tes Facebook. Mais t'as aussi des pubs. T'es tout en train de regarder ton poignet pour avoir des pubs. Non, ça, c'est désolé, mais ça ne passe pas avec moi. Passons à un autre sujet. La nouvelle édition du Petit Robert de la langue française accueille en son sein plusieurs nouveaux mots issus de la sphère Internet. Le désormais célèbre selfie est de la partie, de même que troll et hashtag. Donc, ça, c'est désespérant. L'édition 2015 du Petit Robert ouvre sa porte au troll. Je cite l'internaute qui cherche à créer la polémique sur un forum de discussion ou sur les réseaux sociaux. Troll, ça existe depuis les années 90, probablement avant ça, mais c'était à la mode pas mal sur Internet depuis la fin des années 90-2000. Mais là, on amène ça en 2015. La liste compte également le terme selfie. On s'entend qu'il est devenu beaucoup trop à la mode et selon les Webby Awards qui leur ont fait une élogie, la mort du selfie a déjà été annoncée. Je cite un autoportrait numérique généralement réalisé avec un smartphone et publié sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le dictionnaire de Petit Robert qui est très très français. Donc un smartphone, c'est un smartphone, pas un téléphone intelligent pour eux. Et un selfie, c'est pas une égo-photographie ou photo-égo. Je sais pas trop comment ils ont appelé ça au Québec. Bref. Mais comme j'ai dit en introduction de l'émission, si Barack Obama et tout le monde connaît le mot « selfie », c'est que c'est fini. Désolé, mais la mode est passée. Arrêtez d'en faire. Et le hashtag, un mot-clé précédé du dièse, qui permet de retrouver tous les messages d'un microblog qui le contiennent. Ça, c'est la définition du hashtag. Autres mots absents jusque-là et qui font leur entrée, la cyberattaque, définie comme étant un acte de piratage informatique sur Internet, et le MOOC, M-O-O-C, soit l'abréviation de Massive Online Open Course, un cours d'enseignement diffusé sur Internet. On remarque que le terme hashtag et non pas le mot clic, comme l'Office de langue française du Québec l'a nommé, ou en France, on dit un mot dièse, alors qu'on avait expliqué dans une précédente chronique à Assemblage Requis, c'est une chronique arrête avec tes questions, je crois, où on disait que c'est pas littéralement un dièse, parce qu'un dièse, c'est autre chose par rapport au symbole du. En tout cas, c'est super compliqué, je me rappelle même pas de ma propre définition. Mais bon, donc ça fait son entrée dans le dictionnaire, le hashtag. Dans un registre plus large, le VTC, un véhicule de transport avec chauffeur, et le cyborg comptent aussi parmi les nouveaux mots du Petit Robert 2015. Voilà. Je pense que c'était pas un hash. C'était. En tout cas, je pense que ça reste un dièse en français, je pense. C'est pareil, j'ai pas fait ma recherche là-dessus. Allons-y avec. Je saute par-dessus quelques nouvelles, on manque de temps. Un groupe d'étudiants qui adaptent les comportements à leur environnement. Pas un groupe d'étudiants, non. Ils ont créé des avatars intelligents pour les jeux vidéo. Voilà. Fallait que je lise le titre aussi. Donc, ils adaptent les comportements à leur environnement en se forgeant une sorte de personnalité. Ce sont les Animates, imaginés par un groupe d'étudiants d'Epitech qui montent leur entreprise présentement. À l'école, ils ont appris un métier qui est celui d'innover. Le métier d'innover. L'idée est venue à des étudiants de troisième année de l'Epitech de faire en sorte que les personnages secondaires apparaissant dans les jeux vidéo n'aient pas un comportement stéréotypé gravé dans le programme, mais adapté à leur propre existence, c'est-à-dire aux parties qu'on a déjà jouées avec eux. L'objectif de l'équipe est de concevoir non pas un gadget vidéo, mais un moteur outil logiciel capable de modifier un personnage fictif dans un jeu. Alexis Schechter, l'un des concepteurs, s'est mis à étudier le comportement animal, je cite. « En étudiant l'éthologie, j'ai réalisé qu'il devait être possible de simuler un comportement d'un animal suffisamment simple. » Donc, c'est un étudiant qui fait partie du groupe Epitech Innovative Project d'une quinzaine de personnes en cinquième année. Une vidéo décrit bien le principe de cet animate sur assemblagerequis.com, je cite, qui permettrait notamment de créer dans un jeu de petites bêtes très attachantes. Je cite encore, il leur a d'abord fallu faire la part de l'inné et de l'acquis. Il y a les réflexes, l'instinct, comme l'action de marcher, mais il faut apprendre ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Ou par exemple, combien de temps on peut nager sous l'eau sans respirer. Fin de la citation. Dans l'univers du jeu vidéo, cet animal rencontrera différentes situations et s'y adaptera. On cite l'exemple d'un doigt humain touchant l'écran tactile pour y déposer une pomme. Donc, fuyant d'abord cette approche d'un être inconnu, le personnage découvrira ensuite que la pomme est bonne à manger et les fois suivantes, il sera moins méfiant, voire attiré par cet étranger qui apporte de la nourriture. Avec ce moteur, un développeur de jeux vidéo parviendra à donner aux avatars une certaine personnalité créée au gré des rencontres. L'entreprise, en cours de création par deux anciens membres de ce groupe EIP, s'appuiera sur ses travaux préliminaires, commençant raisonnablement par un produit plus simple, donc une application pour iPhone ou tablette. Les personnages auront forme humaine et par réalité augmentée interagiront avec des objets de l'environnement. Ça va améliorer tous les jeux vidéo, si ça peut fonctionner. Tu sais, quand tu joues à un jeu de course, mettons, parce que je suis un petit peu pogné sur Mario Kart, là, parce qu'il y a un nouveau Mario Kart qui sort vendredi. Donc, je trippe un petit peu là-dessus. Mais d'avoir, quand tu retournes à des jeux vidéo vraiment dans le passé, où tu n'avais aucune intelligence artificielle, des fois, le bonhomme, il était vraiment super loin derrière toi. À un moment donné, il faisait un super grand jiu de grosse vitesse, là, pas possible, avec aucun bonus dans le jeu. C'est impossible d'aller aussi vite que ça, pour venir te rattraper, pour te mettre des bâtons dans les roues. Et quand tu leur lançais des pleurs de bananes, ils réagissaient pas. Ça a beaucoup évolué depuis les dernières années. L'intelligence artificielle, ça a presque l'air vrai quand tu joues contre l'ordinateur, mais pas encore assez. Ça s'adapte pas à l'environnement, ça fait juste faire tout le temps la même procédure qu'on lui a programmée dans le jeu, et c'est ce qui devrait changer, et c'est ce qui va apparemment changer grâce à tout ça. Voilà pour notre bloc Geek CNX. On y va rapidement avec les sorties de la semaine. Voici bientôt sur vos écrans. Voici une nouveauté jeu vidéo pour la semaine du 25 mai au 31 mai 2014. Commençons aujourd'hui, lundi 26 mai. Watch Dogs sort sur PC. C'est coté 9,52 sur GameSpot, selon les utilisateurs. Donc, un monde d'action-aventure à environnement ouvert. C'est un jeu de Ubisoft. Même, je pense, je ne veux pas m'avancer pour rien, mais il me semble Ubisoft Montréal qui travaille là-dessus. Ibn Hub sur PC, un jeu coopératif à deux joueurs. C'est coté 7 selon GameSpot. C'est rempli de puzzles, tout ça. Une question de gravité. Mardi, Watch Dogs sort sur les autres que le PC. Donc, on parle de PlayStation 3, Xbox 360, PC, PC encore. PlayStation 4 et deux autres. Quels sont les deux autres? Wii U et Xbox One. Encore une fois, 9,52. Ah non, j'ai cliqué dessus. Ça m'a enlevé mes nouveautés. Reviens en arrière. Oui. Monster Manpiece sort sur PlayStation Vita, c'est coté 8,6 selon les utilisateurs. Mind Zero sort sur Vita aussi, c'est coté 8,8, encore selon les utilisateurs. Même chose, 8,88 pour The Sly Collection. C'est un jeu sur PlayStation 3 qui regroupait tous les jeux de Sly Cooper. Maintenant, ils l'ont refait pour la Vita. Donc, c'est cool. J'aime beaucoup cette série-là, c'est vraiment le fun. Ensuite, Final Fantasy 3 sur PC, c'est coté 7,9, bon, selon GameSpot. Dracula 4 Shadow of the Dragon sur PC, c'est coté 7,4 selon les utilisateurs. Mercredi, Kill the Bad Guy sur PC, c'est un jeu de puzzle avec une atmosphère utopien, si on veut. Slender The Arrival sort sur Xbox 360, c'est coté 1,5, great, très bon, ou encore 6,51 selon les utilisateurs. Mind Zero sort sur la Vita. Non, ça c'est dans d'autres pays. Faut que je regarde les drapeaux, faut que j'apprenne à regarder les mots du drapeau. Borderlands 2 sort. Non, ça c'est encore au Royaume-Uni, tu vois. Tous les mauvais endroits. Je vais y aller avec les États-Unis et le Canada. Dracula 5 de Blood Legacy sur PC. Et coté 5,3 selon la communauté. Growing Pains sur PC, un jeu de plateforme 2D. Sort sur PC. Raiden, ça c'est du Japon. Night Squad sort sur PC. Je pense qu'en fait, les semaines passées, je pense que je vous ai donné des sorties Japon entremêlées des autres. Je vais faire attention, je m'habitue à la chronique. Tranquillement, pas vite, c'est la quatrième fois. Monochroma sur PC, c'est coté 4 pauvres sur GameSpot. Jeudi, Among the Sleep sur PC, un jeu d'aventure à la première personne. The Amazing Spider-Man 2 sort en Europe. Ok, ouais. Strata sort sur PC. It'll Do sort sur Wii U, un jeu d'aventure classique côté 7 selon la communauté. Where is My Heart sort sur PC, c'est un jeu côté 8,2. Et finalement, HCR Plus Slot Car Simulation sur PC avec 8,1 selon la communauté encore une fois. Vendredi, c'est ma journée, c'est la sortie de Mario Kart 8. Sur la Wii U, c'est coté 8, génial, selon GameSpot. J'ai vraiment très très hâte, là. Tellement de plaisir à avoir. J'ai vu toutes les vidéos de ça et je capote un peu. Sur PC, sort Pandora First Contact, c'est coté 4 pauvres. Selon GameSpot et 5,43 selon la communauté. The Stomping Land sort sur PC le même jour. Samedi, The Battles of King Arthur sort sur PC. Monochroma sort sur Wii U et PlayStation 4. C'est coté 4 pauvres. C'est un jeu de puzzle qui se passe dans un univers industriel, si on veut. Chroma, le développeur de Rock Band Harmonix. C'est un shooter à la première personne, donc Chroma sur PC. Richard and Alice sur PC. C'est coté 6,6 selon la communauté. Tango Fiesta sur PC, qui est un jeu coopératif shooter twin stick, là, avec les deux joysticks, faut shooter de tous les sens, tous les côtés. Ascend End of Call, sur PC, c'est coté 7,4 selon la communauté. Hegemonia Legends of Iron sur PC, 7,9 selon GameSpot. World of Guns, Gun Disassembly sur PC et finalement Daybreed sur PC. Pas de description pour ces jeux-là. C'était des nouveautés en magasin et ailleurs sur console pour la semaine du 25 au 31 mai. Encore une fois, beaucoup trop de jeux à mon goût. On n'a pas le temps de jouer à tout ça. Pour les charts, les palmarès au Japon avec les consoles les plus vendues pour la semaine. Récemment. J'imagine qu'il y a sûrement des dates pour ça, mais ça le dit pas. Donc en 7e place, Xbox 360, 6e PSP. En 5e, Wii U. En 4e, PlayStation 4. En 3e, PlayStation 3. En 2e, PS Vita. Et en première place, c'est la Nintendo 3DS avec 23 600 ventes. Pour un total sur l'année, pour un total au complet de 15 562 762 consoles Nintendo 3DS. Bravo à Nintendo. C'est la machine à imprimer de l'argent, ça. Il ne nous restera pas grand temps dans l'émission, donc on va se dépêcher avec notre bloc. Double the Trouble, je pense qu'on devrait y aller tout de suite parce que je pense que sinon on ne rentrera pas dans nos temps. Donc on va l'entendre, la suite de la compilation Double the Trouble, qui est encore une fois une compilation sur les jeux, sur le jeu Donkey Kong Country 3, sorti en 1994. C'est-tu ça, 94? Où est-ce que j'ai mis mon texte de ça? Je suis perdu dans mon texte. Sorti en 96, voilà. J'étais pas rendu là, moi, encore, à faire cette chronique-là, donc allons-y. Avec la 10e pièce, c'est là qu'on est rendu. Voici Thrill of the Chase, Hot Pursuit par Flex Style. Et on parlera de la compilation après, ça va aller mieux pour moi. Ouais. Les pièces 10, 11 et 12 du premier CD sur 5 de Double the Trouble. We'll be right back.

Don't Drink the Water, Enchanted Riverbank par Flex Style, précédé de Epic Banana Street Up Tumble par Soul Signal, au début du bloc Thrill of the Chase Hot Pursuit par Flex Style. C'est donc Double the Trouble, le titre du 30e album édité par le site Overclock Remix, qui présente des arrangements de la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble, sorti sur Super Nintendo en 96. Donc c'est 77 chansons par une soixantaine d'artistes différents qui réimaginent les compositions originales de Erwin Novakovic et David Wise dans une grande variété de styles. Le style d'aujourd'hui, pas particulièrement mon style, je trouve ça un petit peu trop boom boom dubstep par moment, cette affaire-là, j'aime pas ma main. Mais le reste, j'adore. Vous pouvez télécharger la compilation de 5 disques sur dkc3.ocremix.org, bien sûr via assemblagerequis.com. Nous, ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. On doit se quitter. On n'aura pas de Wow What Web aujourd'hui, malheureusement. On fera ça peut-être la semaine prochaine. Mais quand même, merci d'avoir été là. Merci énormément. On va toujours être en direct lundi prochain, entre midi et 14h. On rappelle les mercredis à 17h. Consultez la programmation sur cif.ca. Retrouvez tous les liens, les notes de l'émission d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Aimez la page Facebook pour connaître le plan avant tout le monde. C'est facebook.com/MathieuPlanteShow. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye!